Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Maggie. Bonjour Maggie, est-ce que tu peux me citer le nom d'un athlète olympique ? Kevin Meyer. Quelle spécialité ? Décathlon. Bonjour, je m'appelle Erin. Bonjour Erin, est-ce que tu peux me citer le nom d'une athlète olympique, s'il te plaît ? Oui, Oriana Lazrat. Athlétisme. Je m'appelle Violaine. Bonjour Violaine, est-ce que tu peux me citer le nom d'une athlète olympique ? Bien sûr, Marie-Josée Pérec, 400 mètres. Quelle année ? 1996, je suis sortie en pleine nuit, donc JO d'Atlanta, avec mon père pour voir de la tente. On est sorti allumer la télé dans la caravane et on a regardé cette mythique finale. Ça c'est du souvenir, merci Violaine. Bonjour, je m'appelle Emma. Bonjour Emma, est-ce que tu peux me citer le nom d'une athlète olympique ? Cindy McLaughlin, 400 mètres haies. Je m'appelle Nelia. Bonjour Nelia, est-ce que tu peux me citer une épreuve olympique ? Le lancer de javelot. Bonjour, je m'appelle Léliana. Bonjour Léliana, est-ce que tu peux me citer le nom d'un athlète olympique ? Usain Bolt. Bonjour, comment tu t'appelles ? Lorraine. Est-ce que tu peux me citer un athlète olympique ? Usain Bolt. Aussi ? Ah bah attends. Duplantis. Duplantis. Il a fait les jeux. Bonjour à tous et bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Moi c'est Cécile et je suis aujourd'hui avec Safia Marot et Anastasia Thierry pour parler, actualité oblige, de l'événement sportif de l'année, les Jeux Olympiques de Paris. Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Alors bonjour Safia, bonjour Anastasia. On va commencer par les présentations, donc je commence par la première à ma gauche. Safia, donc licenciée au Nancy Athlétisme Métropole, coureuse de 400 mètres et jusqu'au marathon. Oui, c'est ça. Voilà, donc vas-y, je te laisse te présenter. Depuis combien de temps tu fais de l'athlétisme ? Oh là, ça va se compter en dizaines d'années. En dizaines d'années. J'ai commencé au collège et je suis rentrée au club à partir de ma seconde, donc 93. Donc oui, un certain nombre d'années, piste jusqu'en 2015. J'ai basculé sur de la route. À partir de là, j'ai commencé 10 km, semi, et j'ai fait donc mon premier marathon. En 2023. En 2023. Voilà, donc de 400 mètres à 42 195 km. Tout à fait. Voilà. Anastasia, donc skateuse. On dit skateuse ? Oui, ouais, skateuse, ça va. Voilà, ça te va. Depuis combien de temps ? Moi, ça fait 5 ans. J'ai commencé en 2019. Oui. Et voilà, après j'ai fait quelques pauses de temps en temps, mais ça m'a toujours, enfin ça m'a jamais lâché et je suis toujours revenue à en faire. Et là du coup j'ai aussi fait ma première compétition en 2023. Donc, aussi, d'accord. Ouais, à Nancy justement. Voilà, bah super. Donc le skate, t'es invité sur la thématique des Jeux Olympiques parce que c'est un sport très récent aux Jeux Olympiques. Hein, et alors il y a deux épreuves, enfin deux disciplines pour lesquelles on va te demander un peu d'explication. Il y a le parc et le street. Alors, tu peux nous expliquer la différence entre les deux ? Alors, le parc, ce sera plutôt dans un bowl. Donc, c'est... Un trou ? Oui, bah, un trou. Vous voyez, par exemple, sur les plages aux États-Unis, vous avez comme ça des skateparks où soit vous avez des rampes, des modules, soit vous avez un grand trou comme ça, et les skateurs vont juste aller dedans. Et après... faire des tours dedans, même essayer d'en sortir, faire des figures en sortant, faire des figures à l'intérieur. Et au contraire, le street, ça va plus être avec des modules, des rampes, où on va juste rouler, par exemple, dans le skatepark. Et après, on va faire je sais pas, une figure comme un flip sur au-dessus d'un élément en béton, donc va être une rampe ou bien d'autres choses comme ça. Et... Ça simule du mobilier urbain en fait, un banc, oui, voilà. Une rampe d'escalier, des choses comme ça. Voilà. Parce qu'après on peut en faire en parc, ouais. Et en street, on peut en se faire dans la rue par exemple en utilisant des mobiliers urbains. Donc on va plutôt avoir le bowl, le parc et le street comme catégorie. D'accord. Voilà, donc bowl et parc ce sera dans le skatepark et street ce sera plutôt à l'extérieur. Un peu partout quoi. Ouais, voilà. C'est le mode de vie, c'est le mode de déplacement. C'est plutôt dans la ville quoi. D'accord. Donc ça fait quelques mois qu'on ne peut plus ignorer l'événement. Cette année, c'est les JO se déroulent en France, à Paris. Et donc la première question, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous les JO ? Donc Safia, je te laisse répondre. Comme ça fait un certain temps, je pense, que tu suis l'athlétisme et l'actualité, c'est un événement important pour toi ? Alors c'est vrai que c'est un événement, enfin quand on aime le sport et quand on aime tous les sports, parce que j'aime pas que l'athlétisme, hein, j'aime aussi les sports collectifs. C'est vrai que c'est l'événement qui justement réunit énormément de disciplines qu'on aime regarder à la télé, qu'on aime suivre tous les 4 ans. Et puis c'est vrai que se dire que c'est en France, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet justement de faire découvrir toutes ces disciplines différentes réunis sur un temps, un même temps en fait. Donc c'est quand même une fierté que ça se déroule dans notre pays cette année, quoi. C'est une fierté. On reviendra après sur les conditions. On verra sur l'envers du décor. Non, c'est vrai que c'est une fierté. Puis c'est une fierté surtout pour tous les sportifs qui se sont qualifiés, qui sont sélectionnés. Ils vont pouvoir enfin défendre ou prétendre à un titre ou alors à une finale ou un bon positionnement dans son propre pays. C'est quand même... c'est chouette, quoi. Donc, c'est chouette. C'est sur place, c'est à la maison, quoi. Voilà, c'est avec son public, c'est quand même sympa. Ouais. Et toi, Anastasia, tu suis un peu... Oui, c'est sûr que j'ai vu du coup que c'était à Paris. Bon, après, nous, en soi, ici, ça va, à Nancy, on est assez tranquille, mais sûr que bon, pour là-bas, c'est pas forcément arrangeant. Après, oui, sûr que du coup, le skate, ça fait pas longtemps que. C'est 2020, officiellement 2020. Ouais, 2020. Et donc, t'avais suivi en 2020 les épreuves ou pas J'ai dû voir certaines vidéos comme ça, mais j'ai pas forcément tout suivi. Après, j'ai vu un peu qui avait comme skater et skateuse. Mais sans plus. Quoi. Oui, je dis 2020, mais en fait, c'était ça s'est déroulé en 2021 du fait du report du Covid. Donc, le fait que ça se passe cette année dans notre pays, Safia, est-ce que tu vas regarder à la télé? Donc, du coup, où est-ce que tu as des places hein? Alors, quand on a su que c'était à Paris, on s'est dit, très belle opportunité pour pouvoir y aller. Et donc, on a regardé l'année dernière les tarifs qui nous ont fortement refroidis. Voilà, ouais. Je suis une famille, on a deux enfants, hein, donc on a chacun nos disciplines de prédilection, la gym, le foot, l'athlé, voire d'autres. Et en fait, on n'habite pas à Paris, donc il faut compter le logement. Et puis non, enfin, clairement, c'est des systèmes de bouquets. Alors on découvre, hein, puisque a priori, Londres, c'était pas différent, hein, mais du coup, on découvre. Et non, ce sera, on regardera la télé. Voilà, oui. comme beaucoup de monde. Comme à chaque fois. Comme beaucoup de monde. Anastasia, pareil, la télé. Ouais, après, ouais. J'aurais bien voulu y aller aussi en vrai, mais j'ai déjà entendu parler de certains tarifs et. Ouais. Donc, ouais, si j'arrive à la regarder à la télé, je regarderai à la télé. Si on t'offre une place, tu vas quand même. Bah oui. Voilà. donc, le skate, entrée récente, hein, c'était présent au JO de la jeunesse en 2014 et ensuite à Tokyo en 2021. Donc, c'était le report du Covid, c'était prévu en 2020. Et en tant que nouveau sport, donc qu'est-ce que tu penses de l'entrée du skate comme nouveau sport aux Jeux Olympiques? C'est une fierté, pareil pour toi, c'est une reconnaissance et ça change rien. Je trouve ça vraiment bien parce que souvent les gens, enfin il y a quand même des gens encore qui considèrent que c'est pas vraiment un sport, alors que il suffit d'essayer après une après-midi à en faire, on est bien fatigué, surtout le lendemain les courbatures aux jambes et tout. C'est pas juste rouler et c'est tranquille, c'est sportif quoi. Enfin, c'est un sport. C'est physique quoi. Oui, ouais, vraiment. Et certaines personnes pensent que ça l'est pas encore, donc. C'est bien, au moins ça montre que c'est vraiment un sport et que... Que c'est une activité physique à part entière, qu'il y a de la technique, il y a de l'entraînement physique à avoir, ouais. Etc. Alors, il y avait une petite polémique sur l'entrée au JO du skate, parce que l'esprit skate, entre guillemets, qui date des années 50, c'était un peu l'esprit surfeur, avec notamment du street dans le mobilier urbain. Et donc, il y avait certains estimaient qu'il y avait, avec l'entrée au JO, et donc avec des règles bien précises, on perdait un petit peu cet esprit de rébellion, d'esprit rebelle un petit peu qui marquait les débuts du skate. Oui et non quoi, parce que bon, soit les compétitions il y en a toujours eu et dans des parcs autres, et vaut mieux que ça soit représenté même au niveau international et qu'on récompense les skateurs et les skateuses qui donnent à fond plutôt que juste les oublier et les laisser faire leur petite compétition de côté quoi. Ouais, d'accord. Donc toi ça te pose pas de problème, c'est pas parce que en aucun cas c'est parce que tu participes à une compétition avec des règles que tu es du coup tu rentres dans le moule et que enfin on est on... Non, parce que je dirais il y en a quand même dans les skateparks quoi, il y a toujours eu des compétitions, donc même si oui, c'est vrai que de base c'est plus quelque chose qui se fait dans la rue et tout, au fur et à mesure du temps, il y a eu des skateparks qui ont été construits exprès et t'es pas un esprit rebelle acharné. Non, ça va. Ça va. Safia, par contre, donc l'athlétisme fait partie des disciplines originelles. Et qu'est-ce que tu penses de l'intégration des nouveaux sports? Donc, alors, il y a le skate, mais il va y en avoir d'autres. Il y a le surf, enfin, c'est un peu plus ancien aussi. Mais est-ce que tu penses que ça doit bouger ou est-ce que... Alors, c'est toujours très bien pour les sports qui ne sont pas représentés, d'être enfin représentés en tant que discipline. La grosse difficulté, c'est que ça entraîne d'en faire sortir d'autres. C'est ça. On a l'exemple du karaté, notamment, hein, qui a été discipline olympique et qui ne l'est plus cette année. Alors, bon, j'ai envie de dire, ma discipline reste toujours, donc j'ai envie de dire, on a cette chance. Mais c'est une chance et en même temps, comme il y a un nombre contraint... Forcément, ça entraîne des déceptions, surtout s'il y en a qui se préparent spécifiquement pour cet événement, Enfin, c'est leur discipline. Et finalement, ils pourront soit pas ou plus la défendre après. C'est, voilà, c'est des compromis, mais c'est très bien. Ça permet aussi de voir d'autres choses. Et notamment, oui, la discipline du skate, c'est chouette. Parce que oui, c'est assez impressionnant. Hein, Ça te pose pas de problème en tant que sportive avec des règles hyper établies. Je veux dire, un 100 mètres, c'est 100 mètres, quoi. Y a un départ, il y a une arrivée. Là, on va être sur des disciplines où ça va être avec des notations. Des règles qui évoluent parce qu'elles sont pas non plus fixées déjà, enfin elles évoluent en fonction de l'évolution de la pratique également. Ça te pose pas de problème de voir des sports émergents, quoi? Alors, de toute façon, sur ces sports de quelque part de jugement, puisque c'est ça, hein, on va présenter clairement des figures qui vont donner une cotation. On le voit dans d'autres disciplines, hein, par exemple la gymnastique. C'est toujours très, très particulier de savoir finalement est-ce que celui qui est premier, c'est vraiment le meilleur ou, voilà, on est sur des sports de jugement, mais en même temps qui demandent une technique et une pratique assidue. Donc c'est plus sur la finalité que ça gêne plutôt que sur le fait que ça existe. C'est sur parfois les résultats, il y a des déceptions, on comprend pas, hein, pourquoi un tel a eu telle note alors qu'un tel a eu le patinage, par exemple. Enfin voilà, c'est plutôt lié à ces disciplines où il faut exécuter des figures, qui fait qu'il y a toujours une place quelque part, un avis au subjectif. Ouais, un peu subjectif. Ouais. Et donc toi, Anastasia, quand tu as fait ta compétition l'année dernière, est-ce que du coup tu changes ta pratique dans le sens où tu vas regarder avant, demander le barème de notation et puis voir ce qui éventuellement peut ramener le plus de points et puis du coup orienter ta prestation sur, enfin viser les points plus que le plaisir à la pratique? Moi c'était, par contre je ne me rappelle plus, c'était cette année, c'était en 2024. Parce que... Avril, ouais. C'était tout début avril, donc ouais, Rive de Meurthe, hein, c'était vraiment... c'était ici, ouais, c'est ça. Ouais, c'est super sympa. Et après, non, moi franchement je suis allée comme ça, parce que du coup j'en fais avec une amie, Anaïs, et de base on n'était pas vraiment chaud à participer, parce que bon, on était un peu timide, parce que moi c'est la première année que je suis à Nancy, et on était un peu timide au début, et puis c'est par exemple Jérôme ou même d'autres garçons du skatepark qui nous ont dit bah participez, quoi, surtout qu'on n'est pas beaucoup de filles à en faire. Mais c'était ma question, vous êtes combien de filles à peu près? Là, en général... Sur Nancy, le skatepark, on va dire. Hein. Souvent, c'est Anaïs et moi. Après, on a d'autres filles aussi qui sont là. Donc, Chloé, Leïla, Charlotte, enfin... Voilà, mais souvent, on est juste toutes les deux avec Anaïs. Donc, voilà. Après, pour la compétition, on était cinq. Il y en avait... Cinq filles. Il y en avait une de Metz qui nous avait rejoint. Donc, voilà, quatre de Nancy et une de Metz. Et pour ouais, à peu près combien de garçons? Tu sais pas combien il y avait de participants? Ouais, les garçons, ils étaient... Beaucoup plus. Dans notre catégorie d'âge, oui, plus 18. Ouais. Ils étaient, je pense, une vingtaine, mais peut-être un peu plus. Ah oui, oui. Donc, ça reste, il n'y a pas du tout de parité quand même. Hein. Ah, c'est sûr. Voilà. Sinon, l'intégration se passe bien. Je veux dire, il n'y a pas de préjugés sur... c'est bon, les nanas, on les laisse de côté un petit peu. Vraiment pas. Non, si, c'était... Non. Moi, j'avais commencé à Metz, justement, à en faire. Et avec une autre amie, mais on était un peu timide, donc on n'allait pas trop vers les gens. Je pense que ça a un peu joué aussi là-dessus. Donc, c'est pas trop amélioré, mais maintenant que je suis à Nancy, donc on a commencé à en faire avec, j'ai commencé à en faire avec Anaïs, et moi je me suis très vite intégrée. Elle connaissait déjà des personnes qui en faisaient. Oui, donc ça aide. Et oui, ouais, aussi. Et du coup, voilà, et ils sont, comment dire, motivants, quoi. Je veux dire, là, la compétition, s'ils nous avaient pas forcément dit ouais, participer et tout, je pense pas que j'aurais participé et j'aurais regretté après. Mais... Oui. Mais voilà, quoi, ils sont vraiment bien intégrés, et c'est toujours un plaisir d'aller au skatepark, quoi, et de les revoir, quoi. Ah bah c'est super sympa, ça. On va faire une petite pause musicale, donc choisie par Anastasia déjà pour commencer, et donc dans l'univers du skate, je te laisse présenter ta chanson, enfin celle que tu as choisie, avec une petite dédicace. Donc Dark Necessity, j'ai choisi celle-là parce que déjà les Red Hot, c'est mon groupe préféré. Et il suffit simplement de regarder le clip. Et vous verrez, c'est des filles qui font du skate, et puis on a aussi les membres du groupe. Et je trouve que les musiques des Red Hot, elles représentent bien un peu, parce que c'est un groupe californien, qui représente bien un peu l'univers, je trouve, du skate qu'il peut y avoir là-bas, et un peu de la liberté d'en faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette musique. C'est la musique originelle. Pour moi et Anaïs aussi, parce qu'on aime bien aussi toutes les deux ce groupe. Ouais, c'est sûr que... Donc on a bien écouté ça. Le petit clin d'œil à ta copine. Aussi, ouais. Voilà, allez, c'est parti. Filles Sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. De retour dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport, et on accueille Lise pour la Minute Lise. Alors aujourd'hui, Cécile, on va pas parler de statistiques, on va parler d'histoire de la femme à travers les Jeux Olympiques, à travers surtout l'histoire de l'athlétisme aux Jeux Olympiques, la place de la femme par rapport à l'homme. Donc ça va durer un peu plus d'une minute, hein, mais c'est nécessaire pour que vous compreniez tous. Alors, il faut savoir que la femme a toujours été comparée à l'homme dans l'histoire des Jeux Olympiques. Elle a été autorisée à concourir, par exemple, en athlétisme qu'à compter de 1928, lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam, notamment sur l'épreuve du 800 mètres. Je vais vous donc vous raconter l'histoire de Lina Radke, une Allemande, à la Coupe Garçon, qui a remporté le 800 mètres en 2 minutes 16 lors de ces Jeux Olympiques. Elle a gagné la course avec 8 mètres d'avance sur ses autres concurrentes, faisant d'elle une star qui a été acclamée par les spectateurs surprises de l'avoir gagnée avec autant d'avance. Ceci dit, ces Jeux Olympiques étaient filmés à l'aide d'une caméra et donc la presse et le Comité international olympique a considéré que le spectacle était affligeant, que la constitution des femmes était trop fragile pour ce genre de distance. Pourquoi ? Parce que la majorité des femmes sont arrivées avec les mains sur les genoux dans l'herbe. Sauf que Lina Radke, elle, avait gagné avec beaucoup d'avance, faisant d'elle un bouc émissaire, considérant qu'elle avait gagné avec disgrâce et que donc elle avait humilié les autres femmes incapables d'atteindre ce niveau requis. C'est pourquoi le 800 mètres a été ensuite interdit jusqu'en 1960. L'histoire de Lina Radke permet de mettre en évidence le fait qu'une femme ne peut pas gagner une course, que dès lors elle doit toujours être gracieuse, du moins à cette époque, pour gagner une course, et dès lors qu'elle ne l'est pas, cela pose un problème. Maintenant, on va passer à l'histoire de Stella Walsh, championne olympique polonaise naturalisée américaine pour les Jeux Olympiques de 1932 à Los Angeles, qui est spécialiste du 100 mètres et qui a 100 records nationaux et mondiaux, aussi bien américains que polonais. Il faut savoir que Stella Walsh a fait 11,9 secondes sur 100 mètres, ce qui est une performance à l'époque qui est comparable à celle des hommes, que par sa nature et son physique et les exploits qu'elle a réalisés sur 100 mètres, cela a soulevé des questions, notamment auprès d'un journaliste polonais qui l'a accusé d'être un homme. C'est pourquoi, au moment de son audition devant les juges, celle-ci s'est déshabillée sans pudeur pour emporter la conviction des juges. Après 2 médailles olympiques et après avoir été nommée Miss Wallasian Whisk, celle-ci a arrêté la compétition et est ensuite devenue coach, sans que soit toutefois remis en cause son identité de genre. Le 4 décembre 1980, elle se retrouvait dans une supérette aux États-Unis et a été tuée par balle en raison de représailles et a été victime donc de ces représailles, ce qui a entraîné son autopsie. Et les journalistes ont demandé au médecin légiste d'identifier si c'était un homme ou une femme. Il s'est avéré que c'était ni l'un ni l'autre, c'était une personne intersexe. Aujourd'hui, on peut dire hyperandrogène. Ça expliquait son physique et les performances potentiellement qu'elle a faites. Toutefois, cette question de genre, notamment pour les femmes sportives, se pose encore aujourd'hui avec Caster Semenya, double championne olympique sur 800 mètres aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016, qui a été déclarée femme à la naissance, toutefois qui aujourd'hui ne peut plus concourir parce qu'elle a un taux de testostérone trop élevé par rapport aux autres femmes. Ainsi, si elle veut concourir sur 800 mètres, la World Athletics lui impose de prendre des médicaments abaissant ce taux de testostérone pour courir avec les autres femmes. Ces sujets soulèvent des questions, la place de la femme dans le sport. Est-ce que être une femme, c'est nécessairement avoir un taux de testostérone précis ? Est-ce que ça représente une inégalité par rapport aux autres femmes qui n'ont pas le même taux de testostérone ? Je vous laisse répondre à ces questions. Eh ben merci beaucoup, Lise. Et justement, on va poursuivre sur cette thématique. Défi sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Alors, on poursuit avec Safia et Anastasia sur le thème du mois, les Jeux Olympiques de Paris. Alors, plus spécifiquement, on va continuer sur la suite de Lise et on va parler de sport féminin en citant la devise de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Mais à laquelle j'ai envie d'ajouter, encore faut-il en avoir le droit. Donc je vous propose un petit retour chronologique sur l'évolution des Jeux Olympiques et donc vous intervenez toutes les deux quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc 1896, premier Jeux Olympiques modernes à Athènes, initié par Pierre de Coubertin, avec l'épreuve de marathon, donc dès la première édition. 1900, Jeux Olympiques de Paris, à l'occasion de l'exposition universelle, donc c'était les deuxièmes Olympiades se sont déjà déroulées en France. Les femmes sont, je cite, admises à participer à partir de 1900 aux épreuves dites compatibles avec leur féminité et leur fragilité. Ça fait déjà plaisir. Donc dans les épreuves compatibles, on a le golf, le tennis, la voile et le croquet. En 1912, 2% d'athlètes féminines. En 1928, les femmes sont autorisées à courir sur 100 mètres, à pratiquer le saut en hauteur, le lancer de disque, le 4x100 mètres et le 800 mètres. Sauf que, donc comme l'a fait remarquer Lise dans sa très bonne intervention, c'est que l'incident de l'arrivée du 800 mètres, hein, où la coureuse est arrivée fatiguée, donc à genoux, l'épreuve a été supprimée jusqu'en 1960, date à laquelle Pierre de Coubertin a été écarté du comité olympique. Donc ça fait trois fois que je cite ce monsieur Pierre de Coubertin, donc je vous propose un petit arrêt sur image. Pierre de Coubertin, dans un texte de 1912 nommé « Les femmes aux Jeux Olympiques », affirmait entre autres « qu'impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d'ajouter incorrect, hein, telle serait à notre avis cette demi-olympiade féminine ». Personnage sympathique. Il persiste en 1928 hein, « quant à la participation des femmes aux Jeux, j'y demeure hostile, c'est contre mon gré qu'elles ont été admises à un nombre grandissant d'épreuves ». 1935, il aurait ajouté « Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Aux Jeux Olympiques, le rôle des femmes devrait surtout être, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. » Donc là, clin d'œil à mon jumeau maléfique Franck Puntel, au niveau de « La place de la femme, c'est à la cuisine ». On est d'accord? Non, je sais pas, quel est votre avis? On sait que, bah, heureusement qu'on est maintenant en 2024 et que ça fait bien longtemps que... La question de la participation des femmes aux épreuves sportives ne se pose plus. Alors, autre époque, autre mœurs. Oui, on va dire ça, mais on voit bien que ça a été très très long à se mettre en place et heureusement oui que ça a évolué, même si on va dire que on le retrouve quand même parfois sur certains commentaires, notamment sur les podiums, sur des courses, sur des minima, sur des courses, de dire « Ah bah oui, mais pour les femmes, c'est plus facile. » Voilà, on retrouve quand même quelques petits restes de ce traitement un peu inégalitaire, alors que les disciplines peuvent être pratiquées que ce soit par les hommes et par les femmes, bien sûr avec des barèmes différents liés à la physiologie, mais c'est pas... Voilà, c'est, caractère inesthétique, inintéressant. Oui, c'est intéressant de leur entendre. Alors, Anastasia, tu es un peu plus jeune que nous. Tu avais eu vent de ces propos ou tu découvres, tu l'as déjà ressenti? Ouais, je découvre vraiment, j'avais pas vu qu'elle avait ressenti ça, quoi. Mais ouais, après, c'est vrai que ça a pris du temps quand même pour que, même là, quand vous parlez des parités, que cette année au JO, il y aurait des parités concernant les sports, bah, c'est étonnant que ce soit que maintenant. Mais... Heureusement, j'ai envie de dire que ça arrive. Ça vient tout doucement. Ouais. Donc, par contre, dans le skate, t'as pas ressenti cette différence homme-femme dès le départ? Si, peut-être par le fait qu'il y ait moins de femmes qui en face, mais au final, on arrive quand même bien à s'intégrer. Donc, les skateurs sont quand même sympas et justement, ça leur fait plaisir. Macho, c'est pas trop macho, c'est pas un. Non, vraiment, ça va. Ouais. Je pense que ça leur fait vraiment plaisir en fait qu'il y ait quand même des filles qui s'intègrent à cette communauté. Quoi. D'accord. Alors, on poursuit avec mon petit rappel chronologique. Donc, on a 1967, Catherine Switzer qui finit le marathon de Boston en 4h20 après plusieurs tentatives d'exclusion de la course par les organisateurs. Et donc, il faut attendre 1984, soit 17 ans, pour assister au premier marathon olympique féminin. 2012, autorisation de participation des femmes dans toutes les disciplines. Donc, la dernière épreuve réfractaire, c'était la boxe. 2020, donc le skate entre aux Jeux Olympiques, enfin 2021 du coup, mais est mixte dès le départ. Donc ça rejoint un peu ce que tu nous dis, il y avait moins... Ou alors c'est l'époque qui fait qu'on a dit on va pas jouer là-dessus, les filles viennent dès le départ. Et donc 2024 à vérifier, mais est annoncé comme les premiers Jeux Olympiques qui vont respecter la parité avec autant de participation d'athlètes masculins que d'athlètes féminins. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Alors les propos, que ça soit les propos de Pierre de Coubertin, on est revenu dessus, mais c'était vraiment, ça dénotait l'atmosphère de l'époque où c'est quand même sous-jacent, il faut en permanence se battre pour rappeler que on a le droit de participer, enfin juste c'est même qu'on nous laisse au moins le choix de participer. Moi je trouve ça quand même assez étonnant que ça arrive que maintenant. Mais d'un côté, c'est quand même bien parce que je vois pas pourquoi il y aurait plus d'hommes que de femmes qui participent à un certain sport. Ou alors, s'il y a peut-être dans un autre sport plus de femmes que d'hommes qui participent, mais encore, vaut mieux quand même qu'on soit tous au même niveau, quoi. Et donc voilà, je trouve ça. C'est bien, quoi. Ça arrive enfin. Voilà. Alors, c'est rassurant quand même qu'en tant que plus jeune, tu n'es pas suivi. C'est qu'on se dit que les mentalités évoluent un petit peu quand même, et puis plutôt dans le bon sens, quoi. Donc, moi, je pense que ça va au-delà de ta participation aux épreuves des Jeux Olympiques et ça va surtout sur la question de la pratique sportive. Hein. Je crois d'ailleurs Lise régulièrement, quand elle donne les statistiques sur les sportifs et sportives, on a toujours un nombre moins important de femmes. Ça pose la question aussi, finalement, de la pratique sportive féminine aujourd'hui, comment elle est reconnue, valorisée. On a quand même le mec est sportif, la fille est jolie, quoi. Il y a encore, je pense, de temps en temps encore cet a priori qui fait que certaines filles vont pas aller dans certaines disciplines qui sont presque encore vues comme réservées pour des garçons. Le rugby, Anastasia le dit bien, le skate, elles sont pas nombreuses. Donc je pense qu'il y a encore un gros effort à démocratiser certaines disciplines et à finalement aller valoriser quel que soit le sexe. Ça pose aussi la question de la possibilité de pratiquer à un certain niveau en fonction de l'âge. On voit bien des sportives féminines qui veulent devenir maman, oui. Qui rencontrent des difficultés pour concilier les deux. Là, je crois qu'il y a une athlète américaine qui a obtenu à ce qu'il y ait une crèche qui soit... mise à disposition au JO. Donc, je ne sais plus quelle sportive aussi, en football, l'équipe de France qui a participé à un déplacement avec son enfant. Enfin, je ne sais plus c'était quelle compétition. Donc, il y a aussi, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais je pense que ça passe aussi par la valorisation du sport pour les femmes. Et cette émission a aussi cette vertu. C'est un peu le but. Café. Et toi, donc en skate, il y a des femmes plus âgées qui ont déjà des enfants ? Non, dans les pratiquantes, t'en connais pas ? Ici à Nancy, ouais. Non. Et tu en connais dans ton entourage qui faisaient du skate peut-être et puis qui ont arrêté ? Non, pas dans mon entourage. Parce qu'en général, celles qui en font, que je connais, elles ont à peu près mon âge. D'accord. Et parce que alors c'est vrai que ne serait-ce que pour les chutes, à partir du moment où t'es enceinte, faut arrêter, quoi. Enfin, ça va pas être permis, quoi. Vaut mieux, ouais. ça reste des cascades, quoi. Donc bon. Ouais, ça reste très dangereux, quoi. Ouais. D'accord. Au niveau de la notation également, donc on a eu une petite polémique récente sur les minima féminins pour les championnats de France. On en avait discuté en privé. Donc il y a deux barèmes, évidemment. Enfin, il y a un barème féminin, un barème masculin. Alors que par exemple sur des épreuves comme le skate, ça va être comme c'est des barèmes artistiques. Ça va être le même homme ou femme. Au niveau artistique, c'est pareil. Enfin, en ce moment-là, on va se faire l'avocat du diable et puis on va dire ouais, mais les hommes, ils sont moins souples, hein, ou alors ils vont être moins artistiques. Est-ce qu'ils auraient droit à deux barèmes ? Qu'est-ce que t'en penses au niveau skate ? En vrai, j'ai l'impression que chacun skate un peu à sa manière et qu'on a tous un peu des styles différents. Il y en a qui vont skater, on va dire, plus nerveusement, il y en a qui vont être plus souples sur des figures. Donc. Je parle surtout des hommes là, donc en vrai je pense que pour les barèmes ça me choque pas énormément que ça soit les mêmes par rapport à ça. D'accord, parce que enfin ils peuvent avoir peut-être plus de force mais du coup moins de grâce ou donc pour le coup ça remet tout le monde à plat, quoi. Bah oui, là c'est oui, parce qu'il y a aussi des filles qui ont un super bon niveau comme les hommes, quoi. Donc Donc pour les résultats des épreuves du mois d'avril à Nancy, il y avait des femmes sur les podiums. Oui, du coup, on était... Parce que c'était un podium homme et femme. Donc, il y avait deux podiums, voilà. Ouais. Et il y avait Mélissa qui était en première position. Donc, elle avait déjà été championne de France auparavant, il y a quelques années. Et moi, sinon, j'étais deuxième et Anaïs était troisième. Ah, d'accord. Très bon résultat, quand même. Et donc, du coup, ça te brancherait les... Enfin, potentiellement, de savoir que tu peux participer au JO, ça t'encourage à aller plus haut, une éventuelle participation, ça... C'est sûr que pour l'instant, j'ai pas encore forcément le niveau des JO, elles sont vraiment fortes. Mais oui, un jour, franchement, si je peux l'avoir, moi, ça m'intéresserait vraiment d'y participer, ce serait fou, quoi. Parce que le skate, c'est... pour moi, c'est vraiment quelque chose que je fais qui me fait plaisir. Et juste de pouvoir y participer dans une compétition internationale comme ça, ce serait génial, quoi. D'accord. C'est quelque chose que tu aurais pensé avant qu'ils l'incluent au JO. Je veux dire, est-ce que tu t'étais dit, oh bah, ça serait bien, t'aurais milité pour que ça soit inscrit au JO, ou tu t'étais dit, oh bon, bah, ouais, franchement, oui, parce que comme je disais, il suffit d'en faire pour comprendre que c'est un sport et que après une après-midi ou même une journée à en faire, on est bien fatigué, quoi. Bien, bien fatigué. Ouais. Défi sport sur Fadjet. Merci de nous avoir écoutés, merci Safia, merci Anastasia pour vos témoignages, et on termine avec les futurs athlètes de 2032, Amy, Juliette, Noélie et Lomé. Je m'appelle Amy Puntel. Bonjour Amy Puntel, est-ce que tu peux me citer un athlète des Jeux Olympiques? Usain Bolt. Je m'appelle Lomé. Bonjour Lomé, est-ce que tu peux me citer une épreuve des Jeux Olympiques? Le saut à la perche. Bonjour, je m'appelle Juliette Pelé, comme le joueur de foot. Alors bonjour Juliette Pelé, comme le joueur de foot. Est-ce que tu peux me citer un athlète olympique? Teddy Riner. Je m'appelle Noélie. Bonjour Noélie, est-ce que tu peux me citer une épreuve des Jeux Olympiques? Le saut en longueur. Merci.